بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد جناب بن سنت يالا جولي تي عليه الصلاه والسلام ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyara di leen baalu xaq bu baax te ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo leen jéggu ñun ñëpp yiñ jéggu yiñ jéggu yiñ xam ak yiñ xamul yiñ tay ak yiñ tayul yi wessu ak yi dikk yëpp ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam légui fiñu tollon ci walu ci hadith yi inshallah ci jangum manam hadith yi tay da melni ci jotay bi nga xamne mom moy jotay bi mujju biñu wara teje ensemble hadith yi nga xamantene manam mom lañ nekkon di jang bobu legi alhamdulillah alhamdulillah te mom moy li aju ci walu deri manam deri yi nga xamantene deru moy yi nga xamantene ñoo ñoo aju ci walu deri ak yoy inshallah sunna deri legi seigne abbas inshallah dañ ñu koy dangal su ko defé inshallah ñu jexako ndax masala ufuriyé inshallah dañu wër gis tay a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa an ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dubiha al-ihab faqad tahara akhrajahu muslim wa 'inda al-arba' ayyuma ihabin dubiha wa an salamata ibnu muhabbih radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam دباح جلود الميتة طهورها سقهه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بساعات يجوغونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والخرس أخرجه مسلم أخرجه أبو داود والنسائي والنسائي وديك ما عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربع ايما اهاب دبغ نعم حديث بوب ما حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وجل نتي مو انه قال مو خنا قال رسول الله داور يا الله صلى الله عليه وسلم ننا iza dubiga buñu wulé al ihabu dar faqat tahura day dal lab sa ñu wulé dar rek dar ba day dal lab lab mun akhrajahu genné nako ci téeram solo nako imam muslim ibn al hajjaj al qushayri an nasaburi rahimahullah mun wa ibn abba wa inda al arba voilà ci arba manam gisoon nañ ñu ñet lay ayuma ihabin bepp der wax ko la ko meuna tok rek amu problème voilà c'est pas grave deng ayuma ihabin bepp der rek bo xamne dubi kha sal c'est bon deng kon ayuma ihabin bepp der bo xamne dubi kha wul li lañ ko faqat tahur mu def benen hadith mu an salamat ibn al muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dibahu juludul maytati tuhuruha an salamat jolnen salamat ibn al muhabbiq radiyallahu anhu no qala mu waxna qala rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam neena dibahu wulli juludul maytati der med tuhuruha moy la koy labal manam mokoy moko labal sahaw ibn hibban imam ibn hibban rahmalahu ganna bam ko solo weral nako benen hadith bi mom moy bu sayyidatu maymuna bi radiyallahu anha man maymuna ta radiyallahu anha annaha qala marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi shatin yajurunaha fa qala law akhadtum ihabaha فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقراز أخرجه أبو داود والنسائي رحمة الله عليهم. كون حديث سيدات ميمونة ويا ميمونة عن ميمونة يا ميمونة رضي الله عنها أنها قالت موحنا مرة رومنا النبي صلى الله عليه وسلم بشاتل تبقات وحمنا يجرون هنوكي diri fa qala yanabi sallallahu alayhi wasallam law akhadtum akane khon ngeen djel ihabaha deram manam bu ko defe ngeen man ko jariñu wala bok tey so lan djolon deram de don ngeen ci meuna jariñu wana ha nga law akhadtum tey bo lan djolon deram law akhadtum bo lan djolon ihabaha deram yanabi sallallahu alayhi wasallam bim lan waxe lolou qalu ñu ne inna amaita mom de dafa med na naka mom mayta do dafa med yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni tahiruha dana ko labal al ma'u ndokh wal qaraz ak ak nem nem akhrajahu sulana hadith bi abu dawuda al imam abu dawuda wan nasa'i al imam an nasa'i rahmatullahi alayhi kon ñet hadith yi inshallah mom lañu wara tek ci suñu jotay bi ñu nekk inshallah taala masala yi nga xamanteni ñom ñoo aju ci teggini xam xam ki nga xamne mo koy jang ki nga xamne mo koy joxe jeexalon na leen alhamdullah masala yi nga xamanteni ñoo aju ci fiqh bi tamit dafa melni tam gis nañ leen ginnaw bi nga xamanteni gis nañ li aju ci takhrij bi ci sharhabat yi et cetera alhamdullilah legui ben volet rek mo dess ci yi nga xamanteni dañ ko chartalon ci sharha hadisi moy masail qaw usuliya ak qawaidul fiqhiyya buñu xolé ci hadis bi da ngay gis ne dafa am ben volet bu général bu ci guen mom moy digeunte khas ak am wala digeunte mutlaq ak muqayyad lan moy khas ak lan moy am lan moy mutlaq ak lan moy muqayyad buñu xolé le fait que ye ñu xamné alquran daf né hurrimat alaykumul maytat mit dafa la haram fiyen buñu xolé hadithu hadith yi presque yépp bo xolé bénn bu ci nek surtout bi nga xamantene mom moy bu sayyid ibn abbas radhiyallahu anhu abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu xamne dañ laaj yenen ci wala bu sayyid tumayn mo nabi tam radhiyallahu ci yenen riwaya dañu laaj yenen ci sallallahu alayhi wasallam dañ niko ñun kat c'est que li dafa medd motax manam xarmi wala mbey si dafa medd lolu mom motax nanguñu ko lan lolu tax ñu diko diri war ko sanni ji mune len nak pourtant midna mais parce que ñom lan lañ comprendre parce que alcorane mo ni mid dafa haram kon ñom pour ñom comme dafa haram duñ ko mëna lek duñ ko mëna jëfëndiko pour lenen comme mid ci bokkum dafa haram parce que mbir bu haramé day waral lolu dinañ ci ñëw inshallah manam day waral mu impur mbir bu haramé day waral mu sobé wu sobé mo xam sobé bi nak sobé manam jëm la wala sobé mana la lool dinañ ci ñëw légui inshallah Allah légui gaay ñom kon loolu lañ comprendre yeen tib sallallahu alayhi wasallam xamal lañ ne innama hurrima akluha lek gi rek mom lañ haramal loolu dañ ci xamé ne en fait dafa am manam liñuy comprendre moy dafa am luñuy wax mutlaq am luñuy wax muqayyad am luñuy wax khas am luñuy wax am yoy moy lan mutlaq moy suñu waxé ben wax bo xamné dañ ko joyal manam de manière absolue la légui muqayyad moy lo xamné da koy préciser da koy teunk day teunk li nga xamné mom moy le fait que mbir mi nek lu absolue am mo légui lolu mo am tamit lu ñu xam moy lu général moy lo xamné dafa général lepp manam lu matalé ak lu ñu wax xaf moy lo xamné dafa particulier fi nak manam am la ak xaf man moy contraire absolu d'accord moy relatif plutôt relatif mais lu précis manam lo xamné dañ ko teunk ci dara exception non exception moy entre général ak particulier fofu la ngay duggal exception moy règle ak exception voilà a moy règle lu général muqay mu un khaf moy lu moy exception kon moy voilà moy lu genn règle général moné am moy règle am wa moy règle moy général wa règle général le général manam am la ak khaf parce que mutlaq ak muqayyad legui dina len jox difference pour ngeen mën ko xamé mutlaq moy tay buma né comme tay buñ né xolal ma'un mutlaq xam nga ñu ma'un mutlaq ndox muñu doyal moy suma tuddé ndox de manière absolue lan ngay xalat lool moy ma moy mutlaq alors que suma ne muqayyad ma'un muqayyad moy ndox mo xamne dama ko teunk ci dara moy tay buma ne eau salée wala eau gazeuse wala comprendre eau salageuse voilà manam suma jele ndox mom ma teunk ko ci lan ci dara legui tay buma xolé buñu haramale deret lan nak moy adam moy deret dafa haram ñu diko lek dafa sobew mais adam suma ne daman masfuhan deret go xamantene da fay wal bu boba manam le fait que me out caractère me out ay adjectif wala me out ay qualificatif wala ay attribut yo xamne mom la teunké lama wax lool mom moy muqayyad dama ko teunk ci lool spécifique voilà dafa spécifique exactement lool moy muqayyad spécificité voilà comprendre nga lolou moy muqayyad alors que suma ne am moy lu général ne khas lu particulier moy tay suma ne voilà suma ne hurrimat alaykumul maytat med dafa haram mais gisoon nañ ne amna med yo xamantene pourtant haramuñ moy medu ban ji ak ban amna benen yoyu di mu ci hadith bi moy voilà moy yamul dereb yi voilà moy soccantal yi moy njereeri ak lepp lo xamantene amul lan dereb juy wax baxna yoyu lolu lu général la manam med rek de manière générale dafa haram mais momay exception d'accord moy hein deng nga momay exception kon moy medum djel mo lu medum geej manam lepp lu joge ci geej buma démé génné ko nap ko day dé naturellement mais téréwul dana ko meuna jëfëndiko dana ko meuna lek dana han wala day dagal ak tamit soccant tali moy njireeri ha ak yi nga xamantene dañu melni ñom comme crab ki yenn animaux yi nga xamantene dañuy faral di duñu am deret ñom duñu am deret ñoñu nonu haramuñ ñoñu haramuñ ñoñu donc yoy ay exception la donc lolu mom moy légui comprendre ngeen digënté bi am digënté am ak khas ak digënté mutlaq ak muqayyad légui damay joxe exemple pour ñu xol ba xam pour ñu xam ko buma né étudiant yi buma né par exemple étudiant yi ñom ñep dañ leen di jox bourse après mo wëlbati ko dané ap étranger étudiant étranger du am bourse lool lan la am ak khas wala mutlaq ak muqayyad dedet am ak khas généralité la ak particularité yaangi deg legui tay suma ne la don yi may joxe don yi jox ko ab étudiant don bi jox ko étudiant après manila jox ko étudiant étranger ban la ah dedet cette fois ci mutlaq ak muqayyad la voilà parce que dama ko spécifier spécificité voilà spécificité bi mom la guéné suma né tay suma né sama sarax bi jox ko pa appa ngien pa wéw vieux voilà jox ko pa après manila pa bo xamantene lay don bu magata magat mutlaq ak muqayyad koku mutlaq la ak muqayyad manam dama ko général dama ko spécifier après suma né invitation bi defna invite wa daire bi invite na len wa daire bi yeb invite na len ginnaw gi ma tek ci ne waye buma ne momu do yow mi boko ci am akhas du deug lolou moy am akhas general particulier legui nak suñu cas de figure bi nagn xol nak legui mid dafa haram waye mid manam waye der bi dagan na jëfëndiko suñ ko wulé lan la mutlaq muqayyad han dëd am ak khas voilà exception ak exception am ak khas la acha légui wax le lan ngeen d'accord sauf que ñaari dañu wouté que particulier exception la règle générale absolue avec spécificité précision voilà comme par exemple on waxé on interdit la bête morte excepté sa peau voilà excepté voilà excepté sa peau voilà c'est comme lolo am khas la d'accord voilà légui nañ jël exemple bi ci direct yakara ci direct dina gëna yomb ci direct buma né direct dafa haram bamou dess ñaari direct yu ñu daganal waxon nañ ko ñen ñaari direct lañu daganal wa voilà ok deng kon fo ala ak voilà res ak furfuret voilà foi ak rat leg yoy dagan nañ lolu lan la ah muy am ak khas ni lolu ci deret batay leg nañ xol deret ji haram moy deret ju wal bu mene deret dafa haram dal ni deret ji wal d'accord lolu ci la mutlaq ak muqayyad te pourtant ci même masalay deret lañ tollu gis ngeen différence kon suñu fi lan la mutlaq ak muqayyad mu am ak khas legui nak dañ nan al am al khas muqaddamun ala al am lol règle usul la al khas muqaddamun ala al am après ñu né al muqayyad muqaddamun ala al mutlaq lool tamit benen règle la lu général manam exception bi tout temps mom lañuy jital ci até ci kaw lan ci kaw généralité bi li nga xamné mom moy spécificité bi précision bi tout temps mom lañuy jital ci acte ci kaw lan hein ci kaw absolutité bi donc lool mom motax su texte bi lool mom motax su texte bi ni mu nekk non lu me basse voilà deug deug deug al kon lan la règle bi al muqayyad muqaddam ala al mutlaq ak al khas al khas muqaddam ala al am mu am tamit benen règle fofu bo xamantene da ci guenne batay moy al am yutlaqu ala umumihi hatta yarid dalil at takhsis moy texte général ça s'applique voilà jusqu'à exception voilà jusqu'à la preuve de l'exception voilà lolu usul usul la bley wa al am moy lu general kon am bi lu matale yutlaq dañ koy dañuy boyal mam deng ala umumi ci kaw generalité non hatta yarida wa bakerok muy rot muy wat dalil dalil preuve argument bu taxis buy wané ni amna particularité manam buy teunk mbir bu koy particularité lolu nan lañ koy xolal nan lañ koy comprendre suñu hadith yi ci suñu hadith yi buñu xolé yenenbi sallallahu alayhi wasallam yépp dañ ko doon préciser nan ko a li medina parce que ñom biñu déggé alcorane téré haramal med ñom dañu comprendre né donc lepp ci med dafa haram parce que de manière générale mais nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam après mo mo ñew préciser lén né non attendez affaire bi démiwul totalement comme ni ngeen ko yaakaar c'est vrai que le texte coranique a été général dafa ñew hein wax na lepp lu général la mais li mom moy wone ni dafa am lan dafa am particular baax na lool mom motax te nak ne xol gis nga li ni ñu li ni li ci affaire am khas mutlaq muqayyad lu upp ci ci acte yi fiqh yi par rapport ak texte yi ci yi la genné lu ci upp dañu am texte yu général motax acte motax dalil manam tay atté fiqh kenn du ko guenné ci ben texte kessé manam doone rek j'ai un texte qui dit nangam kenn obligatoirement li texte bobu wax lolu rek de manière générale lepp lepp manam de manière absolue texte bobu dañ koy appliquer tekki wul lolu parfois mu am lu texte bu nek ni mu am lo xamanteni dafa am luñ lu koy généraliser lu koy particulariser manam lu wax de manière générale mu am benen texte bu koy particulariser comme par exemple fini texte yi nga xamanteni mom lañu gis manam mom lañu xam yuy haramal medde yep yoyu existé lañ mais tay boko jëlé bu fa sukkandiko ne kon deru medde dafa haram de manière générale da ngay am problème da ngay djoum parce que lan motax ngay djoum moy parce que yow xaarulo set ba gis lan texte yi nga xamanteni ñom ñoy la ñuy particulariser affaire ci kaw lolou kon benen question da fay jug do moy est-ce que man buma amé un texte bu général est-ce que bumay wax né ma nangam dafa haram wala nangam dafa war wala yoy non est-ce que damay obligatoirement damay tok rek di xaar di né non il peut-être que amna texte bu ko particulariser wala dit wala bok damay war di appliquer lolou ba kérok may am lan texte bu ko particulariser fofu nak la borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté ci ana lan lañuy jital mais buñu xolé dañuy gis né le fait que manam dañuy gis né il faut nit ki ñaar ay catégorie nit lañ dafa am ño xamantene ñom danañ mëna am possibilité dem xol tire yi dem delu wat ci xam xam bi et cetera pour mëna trouver ndax ba paré xam fan lañuy retrouver xam xam parce que lolu tam lu am solo la moy suma beugé dara lu nek dama il faut que ma am lool kuy jang manam talibé ak ki dul jang ñom ñaar bok na ci li ñuy wuté yi gëna mak moy point yu mel non moy ki jang mom day xam à peu près li bu mako beugé sét xamna fa bu mako beugé xam xamna fa makoy sété jé manam dama am bibliographie bo xamantene ci lay référé wo xamna ni par exemple tire yi nga xamantene ñom ñoy wax ci domaine bi tay par exemple hadith yi lolo tax tay mu neew par li luma ci bëgg sukkandiko xamna par exemple tire takhriji dinañ ma dimbali mané point mané d'accord mané amna tamit yeneen fiqh tire yi mu mëna dimbali moy shara hadith est ce que hadith bi xamna ban fan la genné manam ban borom ban kan ci ñi jinn solo hadith ñoko solo ndax tire yi par exemple mi sahih bukhari wala mi sahih muslim wala mu waqta wala yoy suma xamé lolou man d'accord xamna ko kon légui damay dem ci téré yi nga xamné ñom ñoo xara téré yoy comprendre bu ko défé ñom au moins ñu mo mën ci am aperçu suma gi mo mën am aperçu ndax texte bi dañ ko généraliser ni rek wala amna lu ko particulariser waaw wala dit man fook moy am méthode ma am bibliographie bo xamné ci lay mën di référé wu pour mu dima jappalé ci walu li nga xamné tane ñom ñoy tourner autour d'un sujet voilà vous donnez d'un sujet donné hein voilà ma xam tamit après ma la xol lan la ci borom xam xam yi wax mais duma teup rek dal ne waw legui dal de toute façon hadith bangi ni voilà voici le dalil et puis c'est bon non affaire bi demeut non voici le dalil non le dalil parce que dafa am dalil ben affaire la dalil moy preuve bi moy argument bi texte bi may prouver sama position bi ma am lool moy dalil legui mu am lo xamantene mom moy liñu tuddé al istidlal wala kayfiyatul istidlal ana naka lay sukkandiko wé ci texte bobu nonu lool tamit benen problème le simple fait que mu am ben aya bu mo wax nangam tektele wala ben hadith tektele wul né man lima ci comprendre lool la dëd dafa am aussi méthode bu may mëna utiliser pour man ko def lool mom motax un texte général kessé manam en tant que ko xamantene xawma nan lay def ba déllu wat ci ba mëna xam ba xam amna luko particulariser wa wala dëd rawat na bi nga xamantene sharia légui tej nañ ko manam kenn amatu ci benn buntu bo ci duggé di ci def dara mba nga ci ko ci dindi han mbir yep leer na lepp ngi à notre disposition bu boba nak il faut que ma xam nan lay def legui sama liguey bi yep moy il faut que ma xam nan lay def ba man ba di ci delu nit ku mel nonou kokou day obligé di delu wat ci lan ci texte bi particulier di xol ndax amul lu particulariser généralité bi bax suma yegul fofu nak boba man ci ñi laaj la war bok bu ma yeggul fofu ci ñi laaj lay bok duma bok ci ñi nga xamantene dañuy si si suma mënul lool ci ñi laaj lay bok duma bok ci ñi ci ñi naan amna ay bo wax nangam wala hadith wax nangam ci loolu mo wax indi problème ci ñenn ci affaire xabdu wala sabbi ci taxi ci ñew hadith yi ak wa c'est que question qabdu ak sadlu question la bo xamantene concrètement vision ngir yi la manam borom xam xam yi la deug la amna hadith yo xamantene ñew nañ ci rot ci mais buñ xolé hadith yoy par exemple bo xolé ñeneen ñi dañ ko prendre en compte maliki par exemple ñom prendre nañ en compte hadith mais sauf que dañ ko interpréter ba bari dañ ci am yeneen xéeti gis-gisine problème bi fofu rek la nek mais question la bo xamantene masala la bo xamantene haqiqatan ijtihad ye la gëna jégué ci walu manam ci walu niñi xolé texte yek yoy manam mënuñu wax né parce que loolu important la parce que leg xam nga question bobu da ngay gis ki daf ci bari manam passion yi daf ci bari té pourtant subhanallah question la bo xamné passion yi mënul na ci bañ am parce que tout simplement question vision rek la gis la comme niñu gisé ci masala yi né ñi wax nañ né li ñi layé nañ li bi mo gëna dëgër légui nak bi mo gëna dëgër tekké lawul né kenen ki mom parce que yow ci yow mi xol la ya japp né bi gëna dëgër mais kenen ki mën na gis né dédé benen mo gëna dëgër té pourtant kenn ko yéne ay borom yi xam ay gënk ay pom kan jappalé nañ ko ci lo manam mënuñu wax né cela de critique fu mëna amé moy bu ijma amé lo xamantene wala bok lo xamantene xeyna chouzous daf ci am moy wax yo xamné ay wax yu bëru la question bo xamantene ñepp dañ ci bëru nga né waw manam ñepp dañ ci depp ba mu dess ben kenn kess wax leneen té wax joju borom xam xam yi retenirun ko yow ngay sukkandiko ci wax joju lool mom c'est critiquable lool wala ben wax bo xam nga na pourtant amna sahaba sa ngam su ko doon wax rek té pourtant borom xam finalement retenirun ko comme xol tay par exemple so xolé té lool da ngui gis ci masala yu bari xol Ibn Abbas par exemple radiyallahu anhu ak nimi maka moy habrul ummat te balu qur'an ah moy fooré xet bi mom moy ki nga xamantene mom moy manam l'exégète du Coran par excellence moy Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhu pourtant par exemple tay xolal mom dafa gis né tisbar avant zawal lay tambalé manam bala jant bi di jeng tisbar day fekk la tisbar jot par exemple mais lolu xam nga cette vision la bo xamantene dafa lan dafa isolé sazu donc man est ce que waxam joju man tay mën na ñew sama aduna bi sama jamono ji may dund di sukkandiko ci nan pourtant wala man dama yakam tite Ibn Abbas waxon na ni non mënu da dela non mënuma ko wax lool suma ko defé wala lool mën nañ ko critiquer mais liñ mënul critiquer noy borom xam xam yi wuté ci ben question bo xamantene kenn ku ci nek am nga say dalil ak ki après yow ngay critiquer ni non force obligatoirement ñepp dañu wara bok man ak man gis